rêve dont cacher, prêt à pas réveiller. Il faudrait que tu songes tes malditions scélères. Il faudrait que tu sors de la classe ouvrière. Oi, oi, oi, je pisse la sang, tu as de l'essence, rejoins-moi les copains. Oi, oi, oi, je pisse la sang, tu as de l'essence, et n'oublie les gros. Oi, si t'as réalisé que tu t'as fait niquer, si tu t'as fait virer, pour pas y retourner, si la FPE n'est pas fait pour te plaire, c'est que tu es sorti de la classe ouvrière. Oi, oi, oi, je suis une station. Tu as de l'essence, rejoins-moi les copains. Oi, oi, oi, je suis une station. Tu as de l'essence, et l'oublié de l'eau. Oh!